Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107 FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission sur la sixième partie du cinéma fantastique, nous allons parler aujourd'hui des autres figures et archétypes et je pense que l'émission sera déjà bien fournie. Ceci sera donc la septième partie. Après la dernière figure archétype que nous avons abordée lors de l'émission de la semaine dernière, qui était, je le rappelle, le savant fou, nous allons commencer cette nouvelle chronique par la créature. La créature est un être créé par l'homme qui échappe à son contrôle et est un mythe vivace du fantastique. À la différence des vampires ou encore des loups-garous, il ne provient pas d'un folklore ou d'une tradition, mais trouve son inspiration dans le thème de l'alchimiste qui cherche à créer la vie à partir des morts et du mythe du golem, ce géant humanoïde fabriqué avec de l'argile. Il se développe au XIXe siècle et traduit l'angoisse de la société de l'époque face aux avancées scientifiques et s'appuie sur les thèmes du droit à la différence et de la folie des hommes à vouloir créer des monstres qui échappent à leur destinée. C'est principalement à travers le roman de Mary Shelley, Frankenstein ou le Prométhée moderne, que le mythe se met en place et est popularisé au cinéma à partir des années 1910 avec le film de J.C. Dowley. Deux options du récit sont abordées au cinéma. Celle qui adopte le point de vue de la créature, qui est principalement représenté par les films de la Universal avec Boris Karloff, l'acteur le plus connu pour avoir interprété le rôle de Frankenstein, et celle qui adopte le point de vue du baron Frankenstein, décliné dans les nombreux films de la Hammer avec Peter Cushing avec le rôle du scientifique. Hormis Frankenstein, le mythe de la créature est représenté par la différente représentation de l'histoire du golem, et notamment les deux films expressionnistes de Paul Wegener, sorti en 1914 et 1920. Il trouve son extension dans le cinéma de science-fiction à travers les nombreuses histoires de robots humanoïdes échappant au contrôle de leur créateur, thème commun au film Metropolis, sorti en 1927, Monde Ouest, sorti en 1973, et Blade Runner, sorti en 1982. Tim Burton, avec Edouard aux mains d'argent, avec Johnny Depp, rend hommage aux classiques comme Frankenstein et le cabinet du docteur Caligari en développant le mythe de la créature à travers l'histoire d'un être que son créateur ne peut terminer car il meurt avant de l'avoir achevé et qui se retrouve affublé de l'âme à la place des mains. Une autre figure et archétype que l'on peut trouver dans le genre du fantastique est le diable. Le diable, ou plus globalement, la figure démoniaque, apparaît au cinéma très tôt dans Le Manoir du Diable de Georges Méliès, sorti en 1897, puis dans d'autres films comme Page arrachée au livre de Satan, de Carl Theodor Dreyer, sorti en 1921. Dans les années 60, le diable devient populaire dans les films Rosemary's Baby de Roman Polanski, sorti en 68, puis dans L'Exorciste de William Friedkin, sorti en 73, où il possède une jeune adolescente de 13 ans. Il apparaît aussi dans le film Amityville, la maison du diable de 1979, dans la série des Malédictions, où il possède cette fois-ci un petit garçon adopté de quelques années. Au cinéma, le diable prend principalement une apparence humaine, souvent sous la forme d'un homme plutôt vieux, plus rarement sous celle d'une femme. L'apparence cornue qu'il caractérise dans les traditions est personnifiée pour la première fois au cinéma dans La Sorcellerie à travers les âges, sortie en 1922. Comme dit plus tôt, une autre figure souvent utilisée dans ce style de cinéma est l'enfant. Au premier temps du cinéma fantastique, la place de l'enfant est plutôt celle d'une victime, telle que le Frankenstein de James Whale en donne un exemple avec la petite fille victime accidentelle de la créature qu'elle croise. En tant qu'être sensible, l'enfant est aussi représenté comme le témoin de phénomènes étranges qui échappent à la perception des adultes, comme cela est illustré dans Sixième Sens par un enfant tourmenté par des fantômes que seul lui voit et entend. À partir des années 50, l'enfant est représenté comme une figure maléfique qui, sous des dehors angéliques, peut commettre des actes meurtriers. Le premier film à représenter l'enfant ainsi est La Mauvaise Graine de Mervyn LeRoy, sorti en 1956. Qui fait de la petite fille blonde, héroïne du récit, une meurtrière en série. Autre figure inquiétante, l'enfant possédé qui apparaît d'abord dans le film adapté Tour des croupes, Les Innocents, où deux enfants semblent sous l'emprise des fantômes de leur gouvernante, Miss Chessel, et du domestique Quint. Autre exemple avec Opération Peur de Mario Bava, où les habitants d'un village sont tourmentés par le fantôme d'une petite fille. L'exemple de l'enfant possédé culmine avec le film L'Exorciste de Friedkin avec la jeune Linda Blair qui lance la vogue avec d'autres films comme La Malédiction. Le nouveau-né est un autre type de figure du fantastique souvent monstrueux, soit qu'il ait été engendré par une puissance maléfique comme dans Rosemary's Baby ou par des extraterrestres comme dans L'Enfant du Futur. Un autre film, Le Monstre Vivant, montre un bébé mutant qui, sitôt venu au monde, se met à tuer le personnel de l'hôpital. Dans le cinéma post-apocalyptique, ce sont des enfants organisés en groupe qui représentent un danger. Les films précurseurs sont Le village des damnés de Wolf Rilla, où les femmes d'un village engendrent des enfants extraterrestres qui prennent le contrôle du village, et Sa majesté des mouches, où des enfants livrés à eux-mêmes sur une île déserte finissent par succomber à des instincts primitifs et à s'entretuer. Demain, Les mômes de Jean Pourtalet, rare film français post-apocalyptique, raconte l'histoire d'un survivant confronté à un groupe d'enfants résolument muets dont il ne peut établir la communication. Dans Les révoltés de l'an 2000, sorti en 1976, c'est un couple qui est pris en chasse par une tribu d'enfants meurtriers. D'autres thèmes que nous voyons plus rarement dans ce style de cinéma sont les automates, les poupées et les marionnettes. Les films mettant en scène des automates, des poupées ou encore des marionnettes jouent sur les thèmes de la confusion entre l'humain et l'inanimé, sur l'anthropomorphisme, qui est, je le rappelle, une tendance à attribuer à quelqu'un ou à quelque chose d'inanimé, à un animal et à la chose, des caractéristiques et réactions humaines. La miniaturisation, la possession et la perte d'identité. Méliès fut le premier réalisateur à en faire un sujet de film fantastique avec Gugus et l'automate de 1897, Coppelia, la poupée animée de 1900. Ces deux films ayant disparu. La série de films la plus populaire mettant en scène une poupée diabolique est Jeux d'enfants de Tom Holland et ses suites qui introduisent le personnage de Chucky, une poupée habitée par l'esprit d'un serial killer mort dans un magasin de jouets. Le thème de la possession est en rapport avec le vaudou, avec des poupées fétiches qui s'emparent de leurs victimes, comme dans le sketch Amelia du téléfilm La poupée de la terreur de Dan Curtis. Le thème de la perte d'identité est principalement illustré dans les films montrant les relations d'un ventriloque et sa marionnette, jouant sur le dédoublement de personnalité du marionnettiste ou sur la manipulation de la marionnette telle qu'elle est mise en scène dans le sketch Le mannequin du ventriloque d'Alberto Cavalcanti du film Au cœur de la nuit et dans Magic de Richard Attenborough. Un autre thème souvent abordé est celui du fantôme et du revenant. Tiré de la littérature, figure comme à des cultures diverses, le fantôme est popularisé dans le cinéma dès les premiers temps du muet, où il apparaît chez Méliès avec Le manoir du diable. S'appuyant souvent sur le thème de la culpabilité, les récits font apparaître le fantôme dans des situations où il se manifeste parce que quelque chose n'a pas été accompli ou à la suite d'une injustice. Ce thème est repris dans des films comme Prison, où le spectre d'un prisonnier revient se venger sur les lieux de son exécution, ou Fog, où les fantômes de marins naufragés, dont le navire a été pillé en 1880, s'en prennent aux descendants de ceux qui les ont volés. Le fantôme peut aussi avoir un rôle de bienfaiteur et aider le héros ou l'héroïne. Cette trame du récit, plus proche du merveilleux, se retrouve dans L'aventure de Madame Muir de Joseph L. Mankiewicz, sorti en 1947, dans Always de Steven Spielberg, sorti en 1989, ou dans Ghost de Jerry Zucker, sorti en 1990. Il est aussi le sujet de multiples comédies fantastiques comme Fantôme à l'italienne, SOS Fantôme ou encore Beetlejuice. Au Japon, le film de fantôme constitue un genre à part entière avec le Kaidan Ega, popularisé dans les années 50 avec le film Les Contes de la Lune Vague après la pluie de Kenji Mizoguchi, sorti en 1953, et les deux films de Nobuo Nakagawa, Kaidan Kazanega Fuchi, sorti en 1957, et Histoire de fantômes japonais, sorti en 1959. Dans les films japonais, l'image du fantôme prend l'apparence d'une femme à l'allure de mort-vivant aux longs cheveux noirs. Le genre retrouve une seconde jeunesse à la fin des années 90 et début 2000, avec le succès international de Ring de Hideo Nakata, sorti en 1998, suivi de Dark Water, du même réalisateur, sorti en 2002, et Kairo de Kiyoshi Kurosawa, sorti en 2001. Un autre thème que nous voyons souvent dans ce genre est celui du zombie et du mort-vivant. Forme dérivée du revenant, le mort-vivant devient un archétype du cinéma fantastique et d'horreur avec le film de Romero, La Nuit des Morts-Vivants, qui modernise le personnage et en fait une figure centrale du cinéma post-apocalyptique. Si au début du cinéma, le thème du mort qui revient à la vie est commun à plusieurs films muets comme The Return of Maurice Donnelly de William Humphrey, sorti en 1915, ou The Devil to Pay d'Ernest C. Ward, sorti en 1920, et se retrouve aussi dans le film pacifiste J'accuse d'Abel Gance, sorti en 1918. C'est dans les années 30 que la figure du zombie apparaît dans le film de Victor Alprin, Les Morts Vivants. Le personnage du zombie est alors associé étroitement au culte voodoo et se situe entre le vivant et le mort. Un film fait figure de précurseur dans une approche moderne de la horde de morts vivants. Ce film est intitulé La révolte des zombies, sorti en 1936, qui annonce les apocalypses des zombies des années 80. Durant les années 30, 40 et 50, la figure du zombie ne connaît pas d'évolution significative et reste rattachée au vaudou, qu'il s'agisse du film de Jack Turner, Vaudou, The Revenge of the Zombies, sorti en 1943, jusqu'à l'invasion des morts-vivants de la Hammer, il s'agit toujours d'un être entre la vie et la mort sous l'emprise d'une volonté extérieure. Le film de George A. Romero révolutionne et rompt avec l'image du zombie d'avant-guerre pour en faire un mort-vivant dépourvu de toute conscience, devenu cannibale et se déplaçant en horde dont le nombre en fait une menace. Menace qui prend des proportions apocalyptiques avec le film suivant de Romero intitulé simplement « Zombie ». Dans un monde d'après fin du monde, les vivants doivent alors survivre dans un supermarché contre les hordes qui envahissent l'espace vital. Les années 80 font du zombie un sous-genre avec ses propres codes. Certains réalisateurs vont casser cette image du mort-vivant, comme Wes Craven avec L'Emprise des Ténèbres, qui revient aux sources du vaudou, ou Andrew Parkinson avec Moi, zombie, chronique de la douleur, qui propose une approche originale en adoptant le point de vue subjectif du héros, dont on suit la dégradation progressive en mort-vivant après avoir été mordu, ou encore American Zombie, que la réalisatrice Grace Lee filme à la manière d'un faux reportage sur une communauté de zombies. Dernière figure et archétype, la momie. La momie constitue la dernière forme de mort-vivant représentée dans le cinéma fantastique. La momie fait une apparition tardive avec le film « La momie » de Karl Freund, sorti en 1932, joué par Boris Karloff. Sa popularité est liée en grande partie avec la légende d'une malédiction qui accompagne l'exhumation de la tombe de Toutankhamon en 1922. Personnage associé au thème de la réincarnation, de la vie après la mort, de la vengeance et de la possession. Il est traditionnellement représenté, recouvert de bandelettes, se déplaçant de la même manière que le zombie, d'allure raide, les bras et les jambes tendus, et d'une force surhumaine. La Universal, à la suite du succès du film de Freund, produira un cycle de 4 films autour de la momie, avec comme vedette Lon Chaney Jr. Le cinéma fantastique mexicain reprend le mythe de la momie dans les années 50 en l'adaptant à la culture du pays pour en faire une momie précolombienne avec La momie aztèque de Rafael Portillo, sorti en 1957, à l'origine également d'un cycle de films. À la fin des années 50, la Hammer produisit également son cycle de films autour de la momie, reprenant la figure égyptienne popularisée par la Universal, avec, comme vedette, l'acteur emblématique du studio, Christopher Lee. Si le personnage n'apparaît que dans quelques rares films dans les années 80 et début 90, au tournant des années 2000, il retrouve une nouvelle popularité avec La momie de Stephen Sommers et ses suites produites par Universal avec, comme vedette, l'acteur Brendan Fraser. Ces films sont marqués par une mise en scène à grand spectacle et des effets spéciaux en images de synthèse. Si vous souhaitez voir toutes ces figures et archétypes, ou du moins un grand nombre, en action, je vous invite à regarder la série Supernatural, qui reprend bon nombre de ces figures et archétypes, ainsi que d'autres qu'on ne voit jamais ou presque dans les films. C'est ainsi que se termine cette 7e partie sur le cinéma fantastique. Dans la 8e partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des cadres et environnements, et de quelques procédés et techniques. Comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de la Histoire du cinéma sur notre page Facebook Radio Gemozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.